Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, incline ton oreille à mon intelligence, afin que tu gardes mes avis, et que tes lèvres conservent la science. Car les lèvres de l'étrangère distillent des rayons de miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais ce qui en provient est amer comme de l'absinthe, et aigu comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent à la mort, ses démarches aboutissent au sépulcre. Afin que tu ne balances point le chemin de la vie, ses chemins en sont écartés, tu ne le connaîtras point. Maintenant donc, enfant, écoutez-moi, et ne vous détournez point des paroles de ma bouche. Éloigne ton chemin de la femme étrangère, et n'approche point de l'entrée de sa maison. De peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres, et tais-en aux cruels. De peur que les étrangers ne se rassasient de tes facultés, et que le fruit de ton travail, ne soit dans la maison du forain. Et que tu ne rugisses quand tu seras près de ta faim, quand ta chair et ton corps seront consumés. Et que tu ne dises, comment ai-je haï l'instruction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné les répréhensions? Et comment n'ai-je point obéi à la voix de ceux qui m'instruisaient, et n'ai-je point incliné mon oreille à ceux qui m'enseignaient? Peu s'en est fallu que je n'ai été dans toutes sortes de mal, au milieu de la congrégation et de l'assemblée. Bois des eaux de ta citerne, et des ruisseaux du milieu de ton puits. Que tes fontaines se répandent dehors, et les ruisseaux d'eau par les rues. Qu'elles soient à toi seul, et non aux étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Comme d'une biche aimable et d'une chevrette gracieuse, que ses mamelles te rassasient en tout temps, et sois continuellement épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, irais-tu errant après l'étrangère, et embrasserais-tu le sein de la foraine? Vu que les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, et qu'il pèse toutes ses voies, les iniquités du méchant l'attraperont, et il sera retenu par les cordes de son péché. Il mourra faute d'instruction, et il ira errant par la grandeur de sa folie.